notre monde tombe en ruine, la forêt envahit tout, l'oubli nous ronge, l'égrégore donne corps à nos peurs, l'emprise transforme tout, les orlas se tiennent tapis près de nous. Une forêt de sève, d'artères et de cœurs palpitants. Les arbres bruissent depuis longtemps déjà. Les arbres bruissent depuis longtemps déjà. Ils ont lâché le vent des fleurs. Les pères vénérables ont essaimé leur pollen aux quatre vents. Et pourtant la pluie ne cesse. Les eaux ne cessent de monter. Dans un premier temps, pour toi, passeur d'eau, la vie au pied des vénérables s'en est trouvée grandement améliorée. Elle fut agréable et pourtant le murmure du vénérable peu à peu sans outil par le bruissement des eaux. Les eaux qui montent et rongent. Les eaux qui montent, luisent sur tous les trous. Les eaux qui pourrissent, imprègnent, se mêlent en toute chose. C'était le cycle d'autres, les horizontaux, ceux qui vivent auprès des bêtes, qui vivent en regardant anxieux les cieux où s'amoncellent les nuages, appellent ce temps celui du péril, et le péril est venu des cieux. Les nuages. Les nuages. Toujours plus de nuages qui s'amoncellent. Et les méandres de serpentine dans le ciel qui peu à peu s'élargissent à mesure que les terres où s'enchassent les pieds des vénérables sont rongées par les eaux et que ceux-ci se noient, se trouvent enfouis dans la terre des morts. Que peu à peu tombe l'égal de conche en conche là où peut te mener ton esquif. Tu as rejoint les pères des vénérables. Car vous n'avez qu'un fournil, si vous avez plusieurs meules. Les glands précieux qui vous servent à confectionner le pain de chêne. Les gants patiemment broyés après que vous eussiez sélectionné ceux qui serviraient au prochain cycle pour de nouvelles galles. Pour renforcer et étayer les galles présentes, vous loger, conservé au cœur même des vénérables. Vous vivez dans le bois, vous êtes les enfants, les rejetons du bois. Vous ne vous risquez guère au dehors des galles, sinon pour glaner ce que les vénérables ne peuvent vous fournir et ce qui se trouve perdu dans les désolations au pied des terres de l'Arconte, là où errent les cyclopes, les redoutables cyclopes et les tueurs. Loin des murmures rassurants des vénérables, les murmures qui, à chaque instant, rassurent le moindre membre de la communauté, fût-il un éphémère. Parmi vous, la plupart vont nus comme au premier jour. Au jour où ils sont nés au creux de l'arbre, au creux des branches, dans leurs gales. Votre communion au vénérable vous dispense toute la chaleur nécessaire, celle des murmures, même de larmes, mais aussi tous ces amis qui bruissent à l'entour, qui murmurent, fouillent les terres mortes à la recherche des précieux blancs. Ceux qui ont échappé à leur voracité, peut-être un jour germeront et donneront naissance à de nouveaux vénérables, où au milieu de la tourbière, vous pourrez à nouveau vous abriter. Vous ne vous risquez au dehors que au travers de marches, mais le temps n'est plus aux marches. Et Basile, le guérisseur de vénérables, ce gamin a la chevelure solaire, toujours hirsute, qui vit au cœur du bois et parle la langue du bois. Basile a dit qu'il était temps de tracer une nouvelle perspective, que les eaux annonçaient que votre forêt serait noyée. Vous n'êtes guère nombreux, pas plus que les voix de trois mois. Chacun abrité dans sa gale d'un vénérable qui a derrière lui de trop nombreux sites pour pouvoir les compter même sur son tronc. La plupart étaient là autant jadis, autant du diable. Des nœuds dans le ciel. Depuis novembre, on mit à genoux ceux des ortillons, ces piètres jardiniers qui n'ont pas compris la langue des arbres. Et qui furent fort utiles à la montée des eaux. Lorsque la récolte des glands fut trop maigres, les réserves trop maigres pour subvenir à vos besoins, privés de sol, condamnés à demeurer comme les verticaux au creux de vos gales, dans les hauteurs des vénérables. À mesure que les eaux ont monté et que vos pins de chêne ont manqué, la faim s'est installée dans votre petite communauté. Les vénérables ont alors décliné. Le fort murmure qui vous baigne a décru, car la puissance des vénérables s'est trouvé endigué. À chaque cycle reviennent les ennemis des vénérables. À chaque cycle, la communauté s'organise. Vous émondez les branches et chassez toutes les gales qui viennent des guêpes. Vous glanez le précieux miel que vous répandez sur le pain de chêne fumant. Vous protégez les ruches de vos amis les abeilles. Vous abritez les sœurs tisseuses qui éliminent tous les parasites indésirables qui ne manquent pas de venir lorsque c'est le temps du renouveau. Lorsque poussent les premiers glands, tous les insectes bruissants se ruent sur les vénérables, les papillons notamment, les papillons de nuit qui viennent déposer leurs chenilles. Ils meurent en grand nombre et parsèment le sol mort de leurs dépouilles. Alors se répandent leurs chenilles qui dévorent les feuilles. Et pour aider chaque vénérable, avant que sa sève ne devienne trop amère, pour épuiser, vous jouez de l'émondoir et chassez les chenilles audacieuses. De même, vous chassez avec les sœurs tisseuses les redoutables guêpes qui déciment les ruches. Et avec ces nuées, au cœur des nuages noués dans le ciel, avec les vols d'oies sauvages qui ondoient dans le ciel, vous avez cette année connu de bourdonnants intrus, des guêpeuses, une chimère qu'envoie l'obscur pour ronger le cœur de l'arbre. Les guêpeuses ont la tête carnassière de quelques mammifères et le corps d'une grosse guêpe chitineuse. Et elles ont entrepris de pondre leurs gales dans les arbres. Le premier gangréné fut l'arbre d'Amédée. Le jardinier de la communauté. Vous avez dû délester le vénérable et vous avez lutté âprement contre ces nuées. Comment avez-vous lutté ? Comment as-tu participé, toi, passeur d'eau, alors que les eaux montaient ? L'étant nos contrées, une légende bien connue, la légende de l'oiseau-temps, et de mes trésors, il me reste un hapeau de cet oiseau-temps. Ce hapeau cet hapeau a le don d'apaiser l'oiseau-temps. Et l'oiseau-temps est un large oiseau qui gère bien des choses en nos contrées. La gangrène, tout comme les crues. Il m'a suffi d'en jouer pour que peu à peu les racines retrouvent le niveau d'eau, les racines de l'arbre, les racines de l'ancien retrouvent le niveau que l'eau avait connu pour le temps que mes amis s'évertue à chasser la gangrène. Tous les vénérables s'en sont trouvés néanmoins affaiblis. Leur murmure a décru. Et bien que tu aies joué longtemps de ton apôtre, et c'est ainsi que se commence cette litanie, la litanie de l'oiseau-temps. Cet oiseau-temps qui, ce hapeau, qui, modifié par les soins de mon ami le jardinier a vu une bouteille, une large bouteille en plastique dans un ingénieux mécanisme ajouté afin que le son amplifié puisse se jouer en plusieurs chaînes, se jouer jusqu'aux chaînes, jusqu'aux anciens, qu'ils voient que la défense se fait. Et ce chant, cette litanie, c'est cette litanie qui nous est à nous mortels, le inconnu. Cette mélodie se joue toute seule, mais personne ne l'entend, à part les champignons. Ainsi, lorsque j'en joue, la mélodie que l'on n'entend pas devient audible pour nous, mortels, mais pour les champignons, plus. Les champignons ressentent ça en la terre, et nous, en l'air. J'ai élevé ce chant de mon apôtre, et ainsi je leur ai coupé ce chant pour couper le temps et l'apprivoiser, le rendre servile quelques secondes afin de, enfin quelques minutes afin de chasser la. Et d'instant en instant, comme Amédée l'avait suggéré, ainsi a reflué la nuée. Oui. Le chant au cœur d'arbre a résonné. Il a migré de racine en racine et défié les flots. Les racines ont creusé plus profondément encore dans le corps mort de la terre pour affirmer l'emprise des vénérables sur les terres et repousser l'obscur et leur horde de guêpeuses. Amédée, qui a tailler la bouteille de l'âge d'or pour répandre à cœur de bois le chant guérisseur, pour épandre, égrener tels les pollens des vénérables au cycle du renouveau, le chant d'harmonie qui a chassé les nuées venues de la nuit, de l'obscur, du cœur du bois, au-delà des terres de l'Arconte. Amédée est entré en dormance. En ce nouveau cycle. Et sa condition de mortel qui s'est dans le nœud de nuages d'averses de petites pluies, d'oiseaux et d'hommes, d'hommes et d'oiseaux, des hommes sans doute, des hommes à peine, des sans-refuges, des radeaux d'hommes, des vagues et des fragments, des petits bouts d'hommes en lambeaux, des morceaux de poussière dans les raides lumières qui tombent du ciel, de l'eau qui tombe dans les rayons du soleil, dans la mer des montagnes, des orages et des boues où serpentent en miroir serpentine au-delà des cercles d'intimité qui se tissent entre vos vénérables au territoire bien implanté. Mais Amédée ne pourra plus courir la lande ne pourra plus essaimer ou jouer de l'émondoir, et lorsque le cycle s'achèvera, s'éteindra le rejeton du bois. Son vénérable a donc entrepris une percée, une pousse, une perspective vers une marche. Il a lancé une gale au bout de sa maîtresse branche, défiant par là la volonté maligne de l'obscur, tissant au-delà du cercle d'intimité, jetant une perspective vers une autre terre où y implanter racines. Votre communauté doit trouver des noms nouveaux, doit trouver des terres au-delà du nœud des nuages, et c'est toi qui es chargé à bord de ton esquif de naviguer dans l'obscur, de naviguer dans les pluies et de convoyer l'éphémère né d'Amédée et de son vénérable. Le Kipande. Amédée est l'ancien de la communauté, trop faible pour accompagner son éphémère. Pourtant, c'est à celui qui vit dans sa gale de protéger l'éphémère des assauts de l'obscur, mais il ne pourra l'accompagner dans ce dernier voyage. Et Amédée l'a affirmé. Il a lu dans l'écorce, dans les gravures anciennes arrachées aux entrailles de Diane, la cité enfouie dans les terres mortes, que ce temps et ce nouveau cycle étaient inscrits. Il est écrit et gravé dans l'écorce que lorsque les eaux auront noyé les terres et que tout le cercle des vénérables aura ses pieds baignés dans l'obscur, il faudra trouver de nouvelles terres pour y semer. Amédée, après avoir au cœur de l'arbre, au creux de ses branches, insufflé les dernières vies qui ont donné naissance à son éphémère essence et au dernier souffle du vénérable, a puisé au cœur de sa sève à moissonner et capter. Toutes les richesses de murmures et de bruissements qui s'y trouvaient pour remplir les deux vessies de sanglier de ce précieux nectar pour entreprendre votre odyssée. Car vous devez partir et accompagner l'éphémère jusqu'au bois gâté de Gênes. C'est là où son éphémère doit rencontrer sa moitié et où vous devez capter les eaux pour ensemencer les racines de votre nouvelle communauté. C'est un membre distant, loin au-delà des terres obscures de Cachel, des terres de l'Arconte. Et outre la sève, précieux nectar pour l'éphémère, il t'a donné ce qu'il a façonné et patiemment tissé au cœur de sa gale au cours des jours de pluie et d'humidité nouée il a dressé, tissé patiemment une pèlerine pour que tu puisses cheminer dans ton esquif et fendre les eaux jusqu'à la demeure de Gênes du bois gâté. C'est une longue pèlerine qui te fait un visage de loup mais elle est tout entière de lichen et d'écorce assemblée patiemment nouée pour conserver le fil de la communauté imprégnée, gorgée de la sève et des bruissements familiers de la nuée d'arbres qui accompagne le vénérable. Tu peux annoter en conséquence ta feuille de sève en lieu et place de la bouteille. Nous avons donc une pèlerine de lichen à tête de loup. Et pour quitter dans ton esquif accompagné de l'éphémère et de Basile, la communauté. C'est sans grand espoir de retour car Une étrange lèpre s'est répandue au cœur même, au creux même des arbres. Et le bruissement du vénérable Damédée s'est, pour ainsi dire, tu lorsque vous apprêtiez à le quitter. Une floraison jaune, d'un jaune turbide comme les eaux qui gangrènent les racines du vénérable, s'est répandue au cœur creux jusqu'à gangréner la gale même où réside Amédée. Mais dans les odeurs que porte ta pèlerine, tu n'as pas celle de charogne de cet étrange intrus qui est venu avec les eaux nouées une étroite communion avec le corps des vénérables. La barque circule abritée par la canopée des anciens dans une obscurité devenue hostile le chancre jaune s'est installé et ronge les troncs des commensaux alignés auprès du cercle des vénérables. Ils se sont répandus au cœur du bois. Ils sont partout. Ils rongent. Lèpre végétale s'accroche aux lianes. Les gangrènes et étouffent le chant de sirène qui jusqu'à présent vous liait aux anciens et aux dits d'écorce. Dans les dits d'écorce que vous a confié Amédée, il y a des prières à dire et à méditer. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue. La peur est mesquine, elle conduit au néant. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi, au-dedans de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Sera passé, il n'y aura plus rien, rien que moi. Ce dit d'écorce vous vous l'avez récité en quittant la chaleur dispensée par Bogal, chaleur vite oubliée par les nuées nouées déversant leurs pluies incessantes et froides, ruisselant de la canopée lépreuse au-delà des terres anciennes. Vous avancez dans l'obscur et le jour peine à dissiper les brumes et les moites effluves des terres mortes. Le sol grouille, grombrit d'une multitude de petits moucherons, de guêpes, de mouches, de charançons. Ces ignobles créatures qui viennent happer la vie qui vide la sève des sœurs tisseuses et laisse des coques de chitine vides sur les branches oubliées du jardinier. Des charançons, vous en avez vu courir sur les troncs et même sur vos vêtements. Ils ne se risquent pas sur ta pèlerine. Elle a cette odeur puissante. Elle est toute imprégnée de la majesté des dix écorces. Léontine, qui chemine avec toi, l'éphémère et Basile, a une toute petite voix. Elle s'émeut de ses masses grouillantes et tu sens que le dit de l'écorce faiblit en elle. Elle s'accroche à ce qu'Amédée lui a dit, ce qu'Amédée a lu au creux de l'écorce, dans les veines anciennes, au creux de l'arbre que le chancre a tué. Quatre, vous devrez être quatre pour ensemencer la communauté. Et elle avise que vous n'êtes que quatre avec l'éphémère. L'éphémère n'a que quelques cycles à vivre, quelques cycles de lumière et ténèbres. Le temps vous est compté. Il ne faut pas vous égarer au cœur du bois. Qu'est-ce qui te guide vers la demeure du bois gâté et le vénérable de Gênes? Les rombissements de Père Moteur qui vibrillonnent et ressentent. Père Moteur voit quelles eaux, les eaux turbides de l'eau répandue par les cieux menaçants, ou se nourrit-il de quelque autre essence? Il se nourrit des eaux turbides du bois, aussi étonnant que cela puisse paraître. Tu ne lui as jamais donné d'autres boissons, d'autres nectars ? Non. Tout saute et peine à fendre les eaux. Lui, autrefois majestueux et puissant, éloigné de quelques encablures, plongé dans l'obscur, il hésite, tout saute aux quêtes. Et peine à vrombir de nouveau son tout sautement plaintif et maintenant couvert par le bruissement incessant des insectes alentour. Trouvez sur une eau étale, permoteur et depuis longtemps endormi. Autour de vous, les ténèbres s'amoncellent. C'est presque nuit. Léontine place sa petite main dans la tienne. Elle a faim, elle a froid, elle frissonne. Tu sens que le lit d'écorce n'a plus ses effets sur elle et que la peur que vous ne soyez pas quatre embue ses grands yeux. La nuit s'installe. Il manque un rêve. Elle rate le coche à tous les coups. Elle crie. Ça loupe à chaque fois. Dans la chaloupe, elle boit sa soupe. Elle tient dans ses mains le nectar et avidement de ses petites mandibules qu'elle fait crisser sur le rebord, elle lape tout le suc. La nuit, elle mange la mouche du coche. Elle parle presque dans ta bouche. Tu l'y entends. Ferme les yeux et tu tombes dans le ravin de son rêve. Elle est tout engluée dans le suc, le miel de la sève puisée au cœur d'arbre. Comment rassurer la petite Léontine sans qu'elle ne boive toute l'eau de rêve puisée au cœur de l'arbre. Je l'enlace très fort pour essayer de la rassurer. Vos peaux s'épousent. Vous dormez paisiblement cette nuit. Basile a hébergé un bièvre, monté à bord. Il mange quelques glands épargné, dont avait fait provision Basile le prévoyant. Il s'installe, bruste avec vous et vous communique sa chaleur. Au matin, vous vous éveillez dans votre barque, tout emmêlé. La petite Léontine a les yeux fermés, son corps a le bleu des nuées. Elle est froide, glacée. Elle n'a pas bu, elle n'a pas puisé à l'eau de rêve. La sève est toujours intacte dans l'une de tes poches. L'autre vessie a servi un grand déjeuner pour l'éphémère qui a toute la lumière du presque jour qui luit dans ses yeux. Elle n'a pas de mots, elle n'a pas de terre, elle est sur les eaux avec vous dans un bleu apaisé. Les nuées se sont dispersées, la pluie a cessé. La petite Léontine est toute bleue, toute froide. Le bièvre vous a quitté et rogne quelques nénuphars. Basile propose un déjeuner de nénuphars. Léontine, toute faible, prend plaisir au repas. On voit au travers de sa peau diaphane toute la sève qui pulse bleue sur ses bras. Elle est très faible. Le lien qu'elle entretenait avec son vénérable était sans doute beaucoup plus fort que ne l'est le vôtre, car à mesure que vous vous éloignez, elle bleuit et prend l'aspect diaphane d'un éphémère. Peut-être qu'elle n'en est une aussi. Est-ce que ça va ? Plus de mots. Je n'ai plus de mots. Plus de... Je n'ai plus de mots. J'ai froid. La nuit est noire. Nous sommes dans un pays de nuit. Je veux retrouver mon vert bois. Viens. Elle s'approche de toi. Je tente de la réchauffer. Si tu renonces à ta pèlerine, dit Basile, peut-être que ça la réchauffera et qu'elle renouera avec les senteurs de notre bois. Oui, je vais faire cela. Aussi gommer l'une des vessies, puisque l'éphémère l'a absorbée. Youpi. 7 ancrage. Comment donner à Père Moteur, comment insuffler à Père Moteur l'énergie qui lui a fait défaut la veille? D'évidence, vous avez besoin de rejoindre au plus tôt le Bois Gâté et Eugène. De ma dernière vessie, je soulève le capot de Père Moteur et j'y déverse la moitié de la vessie de sanglier qui m'est restée, afin que le véhicule, que le coracle s'ébranle. Ne quête plus. Vous voyez maintenant les eaux bruire au rythme de Père Moteur. Il fend les eaux avec vigueur. Sépare les eaux devant vous et trace un sillon d'écume vers l'horizon, plein de vigueur, d'énergie. Celle-là même qui déserte peu à peu les traits de votre éphémère, de vos éphémères, devrais-je dire. Basile aussi est tout pâle. Ses cheveux d'ordinaire flamboyants tel le ciel, et dans cette belle journée de printemps qui devrait partager les atours du soleil, tombent tels de vieilles lianes qu'aurait négligé le vénérable. Ils sont tout roidis, tout sales. Ses doigts sont noirs de terre morte. Des insectes, de petits coléoptères courent sur son visage, dans ses cheveux. Ça ne va pas non plus. Ses lèvres sont toutes desséchées. Te regarde d'un œil absent. Il est immobile et tout roide, distant. Il a le même aspect que tu as trouvé chez Amédée lorsque vous l'avez quitté. Pas tous trépassés. Les 100 mots silencieux. Il est droit parcouru de vermine. Ce qui reste de nectar. Et je lui tends la vessie. Je lui tends le reste de la vessie. Il reste absent. Aide-le à boire. Elle place un doigt dans le cœur de la vessie. Elle regarde avec avidité, place timidement sa langue au bout de son doigt. Elle frissonne puis humecte les lèvres de votre compagnon Basile. Sort de sa torpeur et avale avidement le nectar. Il en laisse un peu et te propose d'en boire. J'en bois un petit peu et puis je passe le reste à Léontine. sans entendre vraiment le chant des arbres, ce chant guérisseur qui devrait résonner depuis le cœur creux de l'arbre d'Amédée. Vous peinez à entendre l'étoile que constitue le bois gâté. Les méandres de serpentine te mènent de chenal en conche. Mais partout, cette même odeur de charogne, cette vermine omniprésente qui gangrène les arbres et ces nuances jaunes sur les troncs qui sourdent au milieu des lichens. Sur la barre et arrimé à celle-ci, tu vois défiler le bois supplicié. Comment t'orientes-tu au tréfonds de l'obscur? J'écoute les ronronnements de père moteur. Essayant de les suivre. Tu souhaites les suivre parce qu'il contient un chant? Non, parce qu'il contient le... En quelque sorte, il contient le chant. Et le chant que tu as insufflé à l'arbre d'Amédée, auquel vous avez puisé la sève qui a nourri le père moteur. Oh oui. Et comment amplifier ce chant? Car il est de plus en plus ténu. Et c'est à mesure que s'écoule le temps, le bruit au dehors qui surnage et étouffe graduellement celui de votre temps. Pour y imposer celui du temps jadis, où fut assemblé père moteur. Lorsque jaillit le chant de ton apô, maître de l'oiseau temps. Ce sont les fétus d'homme qui sommeillaient en vous, qui s'éveillent, et c'est le chant guérisseur qui surnage et jusqu'à vous attire d'aile parmi les oiseaux qui bruissent dans le ciel. Rappelle le chant béni des cycles de renouveau. Vous fendez les eaux dans le jour finissant, frileusement cramponnés les uns aux autres. Deux petits oiseaux sont venus se perché en réponse à ton appel, à la proue de votre esquif. Vous arrivez maintenant dans les méandres les moins profonds de Serpentine, au creux d'un arbre. Tu entends bruisser les voix innombrables des insectes qui se répandent ici dans ce marais, cette tourbière Elle ne devrait pas être morte car tu sais que le bois gâté se trouve à portée. Et pourtant, ici tout est dissonant et le chant distancié. Basile, prends une grande inspiration, souffle, chante, il frissonne, vibre à l'unisson de l'écorce rugueuse de l'arbre. Il est tout pâle, mais l'un des habitants réfugiés en son cœur, une petite chouette vient se percher sur son épaule. Dans le crépuscule, la pluie reprend. Vous devez quitter votre coracle, car maintenant il n'y a plus suffisamment de tirant d'eau. Ce n'est que boue qui s'étend à vos pieds. La nuit. Venez en son creux avec moi. 3. Vous assemblez au pied du vieux saule creux que vous a désigné la chouette nichée auparavant sur la frêle épaule de Basile. Maintenant, elle vient et lui sert de couvre-chef. Au-dedans de l'arbre creux règne de profondes ténèbres, mais en même temps une chaleur bienfaisante. Vous éveille. La chouette n'y est plus, sans doute partie chasser. L'arbre est froid de la nuit et 12 ans, suggère Basile. Tu as peur? Sans mon ami la chouette, cet arbre me semble abriter la mort jaune qui nous suit depuis longtemps. J'ai hâte de retrouver les cieux bleus qui baignent nos racines de ciel. Un enfant. Vous trouvez dans une presque nuit, au-dedans de l'arbre, vous êtes reposé, et soit les ténèbres se sont étendues et un nouveau jour a passé, soit vous avez très peu dormi et vous vous en trouvez encore fatigué. Vous sentez faible, mais le sol est égal et reflète les dernières lueurs du couchant. Basile te tend la main, ainsi que la jeune Léontine. L'éphémère tient la main de Léontine et vous avancez ainsi timidement, mêlant vos pas à l'humus dégarni de ce bois gâté, car vous avez certitude d'être arrivé. Devant vous s'étend un bras depuis longtemps déserté des racines de serpentine. La végétation y est desséchée, toute craquelée. Pourtant, l'eau est alentour, elle imprègne encore le bois. Sentez une présence, vous n'y êtes pas seul. Où est-elle? C'est Léontine qui a parlé. J'ai perdu l'éphémère. Et de fait, vous ne la voyez plus. Il faut aller la rechercher. J'ai lâché sa main un instant seulement. Un funeste et... Quater, nous ne sommes que trois désormais. Vous apercevez à quelques pas de là, dans un hallier, au détour d'un hallier, une silhouette penchée dans la demi-obscurité que ménagent les frondaisons et le couvert de la canopée. Silhouette penchée, mais qui n'a pas le bleuté de l'éphémère. Léontine lâche la main et court vers la silhouette. Je suis Léontine en prenant Basile, en tirant Basile avec moi. Basile court, son émondoir à la main. La silhouette se tourne à l'étang ses bras tels des branches basses et noueuses, celles d'un saule qui aurait trop longtemps quêté l'eau. Et de fait, vous êtes au cœur de profondes ténèbres. monstre immense qui se plante dans la l'étroite poitrine de Léontine. Basile se tient les mondoirs à la main. J'essaye de dégager Léontine de... Tu vois la créature toute de noir têter de son rostre la sève de Léontine. J'essaie de dégager le rostre qui s'est affiché de Léontine. Comment le dégages-tu? Charançon immense d'arbres d'écorce et de champignons mêlés se tient devant vous. Ces pièces buccales tintant avidement vers la tête de la jeune Léontine, tandis que son rostre s'enfonce un peu plus dans la gorge de Léontine. Qu'êtes-vous venu chercher au fond du bois gâté? Nous sommes venus déposer... Je m'adresse au passeur d'eau. Hein. Je pose la question au passeur d'eau. Oui. Qu'êtes-vous venu chercher au tréfonds bois gâté? Rien, seulement l'endroit où pouvoir déposer un nouveau chêne, pouvoir rendre vivable ce bois. Renaître dans une nouvelle terre et vous deviez y retrouver... Oui, je sais, mais je lui dis ça. Là, c'est la garde forestière qui te parle, c'est ton... Je sais, mais j'ai le droit de lui mentir. Mais qui allez-vous chercher? Ah, ça m'échappe. Je trouve pas. Tu as la peau, il a la les mondoirs. Qu'es-tu prêt à mettre le pendentif, le peau, la peau plutôt. Mon nom et puis une vessie. Ça lui fait 4. Et tu as... ça fait 5, donc ça fait qu'on doit obtenir 20. Non. Je vais peut-être qu'est-ce que je pourrais donner? La gale, c'est ton refuge, c'est ton passé, c'est tes racines. Ok. considérer que... On ne peut pas considérer que l'antine vous donne quoi que ce soit. J'ai dit des bons doigts pour notre ami Basile. Mais tu as le droit d'être inventif et de dire quelque chose qui serait... de créer à la volée des attaches qui seraient vraisemblables pour Basile. L'animal, la chouette. La chouette qui viendrait assaillir le charançon. Mmh. D'accord. Et... miser mon coracle. Ton coracle, c'est... le véhicule de la conquête. En quoi Père Moteur pourrait intervenir? Avec son bourreau, son chant, je sais pas. Le chant qui héberge encore le chant de... Et on peut considérer qu'il reste, et c'est ce que cherche à puiser le charançon, le chant dans chacun d'eux, dans chacun de vous. Donc, c'est-à-dire que j'ai tout misé. Si vous misez tout, on rajoute 4, donc on descend à 15. Espérons que ça se finit bien, hein, parce que sinon on est un peu tous morts. De la tourbe pour y disparaître. Se tient devant vous un pauvre air barbu. Oh mes enfants, j'étais bien seul ici.